بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. ثم أما بعد، فإن شاء الله هذا مجلس في تعريف الشبهة وضوابط الرد عليها، وهو المدخل إلى كتاب الانتصار للسنة للشيخ محمد بازمور حفظه الله تعالى. Donc c'est assise, Inch'Allah, et celle de demain après l'Asr seront réservées à la définition de la Shubha ou l'ambiguïté et les règles de sa réfutation. Et ceci est prêt dans la préface du livre de Cheikh Mohamed Bazmoun, Hafidhahullah Ta'ala, L'intisar les sunna. Ta'rifu shubhati wa ahamiyatu kashfiha. Qala ibn Baris fi mu'jami maqayis al-lugha. شبه الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا وصفا، يقال شبه وشبه وشبيه. والشبه من الجواهر الذي يشبه الذهب، والمشبهات من الأمور المشكلات، واشتبه الأمران إذا أشكلا. Donc la définition de la shubha et l'importance de du fait de la dévoiler. Ibn Faris, dans le recueil des significations de la langue arabe, c'est un ensemble de livres sur les significations linguistiques, il dit Shabaha, que le shin, il ba, il ha, c'est une seule origine qui prouve que la chose est similaire à une autre chose, que ce soit au niveau de sa couleur ou au niveau de sa description. Et on dit en arabe shibh, washabah, washabih. En arabe, tu as toutes ces expressions qui découlent de shibh, shabah, washabaha, washabih. Et washubah min al-jawahir, c'est, il est Shuba des perles, c'est ce qui ressemble à l'or. Wal mushabbahat min al-umur, le mushabbahat des situations, c'est celle qui représente un problème. Et deux situations sont confuses quand ils représentent un problème, il y a une ambiguïté dedans. Voilà. Ça, c'est la signification, c'est Ibn Faris. Raghib al-Asbahani, rahimahullah. والشبهة هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنا. قالوا وأوتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما وحقيقة، وقيل متماثلا في الكمال والجودة. وقوله وأخر مشابهات متشابهات، والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. الراغب الأصبهاني donne une autre définition, mais en réalité ils vont dans le même sens. Shubha, il dit, quand on ne fait pas la différence entre deux choses par le fait qu'il y a certains points de ressemblance entre eux, soit au niveau de la chose elle-même, soit au niveau de sa signification. Et concernant le verset qui est dans le Coran, il leur a été rapporté lui ressemblant, mutashabiha, disent, il a une ressemblance, certains ont une ressemblance avec d'autres au niveau de la couleur, ils n'ont pas au niveau de la réalité, ils n'ont pas réellement, ni au niveau du goût. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu le comprennes mieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran de la grenade et de certains fruits qui vont être au paradis. Et la grenade, les raisins, tu sais, tu les connais ici. Mais comme il a dit Ibn Abbas, ils n'ont de ressemblance que le nom. La réalité est différente. C'est ce que tu as entendu maintenant. Et il a été dit aussi, ils se ressemblent dans le fait qu'ils sont faits à la perfection et dans le fait de la qualité. Et dans notre verset, « Wa'ukharu mutashabihat » Mutashabih ici dans le Coran, ça peut être des versets qui représentent certains problématiques au niveau de l'interprétation. Soit au niveau de leur expression, soit au niveau de leur définition, parce qu'ils se ressemblent dans leur expression ou là dans leur définition. Et ils représentent certaines problématiques au niveau de l'interprétation. قال الفقهاء المتشابه ما لا ينبئ ظاهر عن مراده. Et les jurisconsultes disent, le mutashabe, c'est la chose dont l'apparence ne donne pas la signification de son contenu. L'apparence ne te donne pas la définition du contenu. Ça, c'est le mutashabe. Wa shubuhat, jam'u shubha. Wa summiyat shubha, li'anna mbniyatun ala ma yadunnu ashabuha dalilan, ilmiyan, fatashbahu l'haq. Wa l'haqiqatu laysat kadhalik. Les shubuhat, c'est le pluriel du shubha, ce que vous appelez l'ambiguïté, ou l'ambigu, ou le confus. Et on l'a appelé shubha parce que il est basé sur le fait, sur la croyance des gens qui ont cette shubha. Et cette croyance, elle est basée sur une preuve scientifique qui ressemble à la vérité. Et en réalité, il n'en est pas ainsi. Leur croyance est basée sur une preuve scientifique qui ressemble à la vérité. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas vrai. فَالشُّبَهَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَشْبِيهِ الْبَاطِلِ بِالْحَقِّ. Et donc, shubha, c'est faire ressembler la vérité au faux. فإذا شبه الباطل بالحق من جهة أن الباطل يظن أنه له دليلا وبرهانا فيعارض به الحق صار هذا الباطل بما يظن معه مع الدليل شبهة. Et donc, quand on fait ressembler le faux au vrai, du côté du faux, en croyant que le faux il a une preuve qui va contrer, pour contrer le vrai, dans ces cas-là, ce faux, avec cette fausse croyance qu'on a, comme quoi il a une preuve, il devient une shubha. Et qu'en réalité, c'est du faux. وَالشُبْهَةُ وَالْمُشَبَّهَةُ هِيَ الْمَسَائِلُ الْمُعْضِلَةُ أو الْمُشْكِلَةُ الَّتِي تَلْتَبِسُ عَلَى النَّاسِ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنُ بَشِيرِ الْمَشْهُورِ قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات سميت مشبهة ومشتبهة لأن الأمر فيها يشتبه على الناظر فيه وهكذا الشبهة تلقى يلقيها الشيطان أو يلقيها أعوانه أو تأتي في الذهن فيشتبه مع الحق ويشتبه الباطل معها بالحق فيصبح الأمر من غير أمر غير واضح بها. الشبهة ainsi que le مشبهة, celle qu'on fait ressembler, c'est des problèmes et des sujets problématiques dans lesquels il y a des problèmes et qui sont confus pour certaines personnes où beaucoup de personnes ne connaissent pas comment faire avec, ils ne savent pas la signification. Comme il est rapporté de certaines expressions du hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est un hadith réputé, rapporté par l'imam Bukhari, il fait partie des 40 hadiths d'Al Nawawi. Dedans, il y a le halal et l'éclair, ainsi que le haram. Mais entre eux, il y a des situations, des choses qui sont confuses. Mushabbahat. Ou mushtabihat, les deux expressions. Il a été appelé Mushabbaha ou Mushtabiha car la situation devient confuse pour quelqu'un qui jette le regard dessus. Pour quelqu'un qui jette le regard dessus, la situation lui confuse, elle est ambiguë. Il en est de même pour la Shubha, pour l'ambiguïté. Que jette Shaitan ou que jette propagent les alliés de Shaitan ou qui viennent à l'esprit de la personne, et la réalité se mélange à Shichuba ou ressemble à Shichuba, le vrai se mélange au faux, et dans ces cas-là, il devient une Shubha, et la situation n'est pas claire, elle est confuse. Parce que le haqq, il a ressemblé à le bâtel. Ou le faux a ressemblé au faux, au vrai. Et dans ces cas-là, la situation il devient ambiguë, il ne devient pas clair et il devient confuse. ويقول الشيخ أهمية كشف الشبهات يقول إن إزالة وكشف الشبهات من أصول هذا الدين لأن الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن وضحض شبهاتهم وأقوالهم قال جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب وكل من يجادل بالباطل ليست له حجة أو علم لكن يحتج بأمور يظنها علما فحجته ضاحضة. Et le fait d'enlever les ambiguïtés et de dévoiler les ambiguïtés est un des fondements de la religion. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est un des fondements de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a répliqué aux associateurs dans le Coran et a anéanti leurs ambiguïtés et leurs paroles. Dans Shura, dans cette traduction approximative, ceux qui ramènent des preuves fausses concernant Allah et la religion d'Allah après que les doués de raison ont répondu à l'appel d'Allah, leurs preuves qu'ils ont ramenées sont fausses et nulles. Ils ne tiennent pas debout. La trace de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala se voit sur eux. Et tout un chacun qui polémique avec le faux, il n'a aucune preuve et aucune science. Mais il vient, il prend comme preuve des choses qu'il croit que ça c'est de la science. Mais sa preuve en réalité, il est nul et non un. Il ne tient pas debout. يقول والرد على أهل البدع والباطل والذب عن الإسلام باب من أبواب الجهاد. Il dit le fait de répliquer aux gens, aux innovateurs, aux gens de l'innovation et aux gens du faux, et le fait de défendre l'islam, c'est l'un des chapitres et l'une des formes du combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد سمى الله عز وجل الرد على الكافرين في العهد المكي جهادا قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ بالقرآن. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé et a nommé le fait de répliquer aux mécréants à l'époque mécoise un combat. Et il est dit dans le verset dans Sourate Al-Furqan, la traduction approximative nous dit ceci. N'oublie pas aux mécréants et combat-les d'un grand combat. Avec quoi ici le combat? Le combat il se fait ici avec la preuve, avec le Coran. Et combat-les d'un grand combat avec le Coran. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل وتارة تكون بين القولين الباطلين ليتبين بطلانهما أو بطلان أحدهما أو كون أحدهما أشد بطلانا من الآخر. ابن تيمية رحمه الله عليه منظر تعارض العقل والنقل il dit le débat, des fois, se fait entre la vérité et le faux. Et des fois, entre deux positions fausses et deux opinions fausses, pour qu'apparaît, pour qu'apparaisse leur fausseté. Ou pour qu'apparaisse que l'un est plus faux que l'autre. Ou pour qu'apparaisse que l'un des faux est beaucoup plus faux que l'autre. فإن هذا ينتفع به كثيرا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم. Parce que cela est profitable beaucoup concernant les paroles des philosophes et des gens et d'Ahl al-Kalam et leurs similaires. يقول ممن يقول أحدهم القول الفاسد وينكر على منازع ما هو أقرب منه إلى الصواب فيبين أن قول منازع أحق بالصحة إن كان قوله صحيحا. Il dit, un parmi eux, parmi ceux qui débattent, qui sont dans le fou, hein, il émet une fausse opinion. Et celui qui débat avec lui, son adversaire, est plus proche de la vérité. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va apparaître? Il va apparaître que cet adversaire qui est proche de la vérité, sa parole, est plus proche de la vérité s'il est authentique. وأن قوله أحق بالفساد إن كان قوله منازعا قول منازع فاسدا لتنقطع بذلك حجة الباطل فإن هذا أمر مهم. Il dit, en premier lieu, va apparaître, hein, que la parole de celui-ci, il est plus mauvaise. Si la parole de l'autre, elle est mauvaise, de son adversaire est mauvaise, ainsi va s'anéantir les preuves du faux. Et ceci est très important. Deux qui sont dans le faux, un est plus proche de la vérité. Donc quand ils débattent entre eux, qu'est-ce qui va? Le faux de celui-là va apparaître encore plus. Mais en réalité, tous les deux sont dans le faux. Mais celui qui est plus dans le faux, il va apparaître. Hein? Et ceci est une situation très importante. إِذْ كَانَ الْمُبْتِلُونَ يُعَارِضُونَ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ بِأَقْوَالِهِمْ فَإِنَّ بَيَانَ فَسَادِهَا أَحَدُ رُكْنَيِ الْحَقِّ. Il dit, car les faussaires s'opposaient au texte, à la parole d'Allah et à la sunna du prophète, avec leur opinion et avec leur parole. Et donc, dans ces cas-là, montrer le faux de ces paroles et de ces opinions fait partie de l'un des deux piliers de la vérité. Et l'une des deux choses qui est demandée. Hein? فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء لهدت وكفت ولكن صالوا عليها صول المحاربين لله ولرسوله فإذا دفع صيالهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. Parce que ceux-là, ces faussaires, s'ils avaient laissé les textes des prophètes عليه الصلاة والسلام, ils étaient suffisants pour guider les gens. Mais ils ont combattu. Ils sont allés à droite et à gauche dans leurs dissertations et dans leurs opinions. À combattre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu salam. Donc le fait de repousser leur injustice et leur errance et de montrer leur égarement, ceci est l'un des plus grands combats sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là s'arrêtent les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. يقول ابن القيم وقال ابن القيم الجوزية أما جهاد الشيطان فمرتبتان. Il nous cite des paroles d'Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Il dit, le fait de combattre Shaitan se fait par deux voies. إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. Il dit, la première, c'est de le combattre à repousser et anéantir ce qu'il envoie chez les serviteurs comme ambiguïté et comme doute qui dénigre la foi de ses serviteurs. Al-Taniya, jihadu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al-iradat al-fasida wa al-shahawat. Fal-jihadu al-awwalu yakunu bi'uddati al-yaqin wa al-tani yakunu bi'uddati al-sabr. Et le deuxième cas de figure, c'est le combat pour repousser, hein, les tentations et les mauvais actes vers lesquels Shaitan il veut orienter la personne et le jeter dans les tentations. Et le combat de la première, c'est-à-dire des ambiguïtés et des doutes, se fait avec le partage. C'est quoi? C'est la certitude. Basé sur une science bénéfique. Hein? La certitude. Et le deuxième se fait avec quel partage et avec quel moyen? Avec la patience et l'endurance. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Il nous cite le verset qui est la preuve de ceci, que ce combat de Shaitan se fait avec ce pactage de la certitude et de la patience, et nous avons fait d'eux des imams qui guident avec notre quand ils ont patienté et quand ils avaient la certitude sur nos versets. Hein? فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. Il a annoncé que l'imam dans la religion s'obtient avec quoi? La patience et la certitude dans l'islam. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات. Donc la patience pousse les tentations. Et le fait de vouloir accomplir des mauvaises œuvres et des mauvaises choses. Et la certitude repousse les doutes et les ambiguïtés. Yaqulu hafidhahullah. Ici s'arrêtent les paroles de Ibn al-Qayyim. Maintenant on revient aux paroles de Cheikh Mohamed Bazboum hafidhahullah ta'ala. Yaqulu wa min jihadi ahli al-batil wa daf'i siyalihim ala ahli al-haq, ahli al-sunna, an yuradda ala shubuhatihim. وما يظنونه أدلة على باطلهم حتى يحذرها المسلم. Il dit fait partie du combat contre les gens du faux et le fait de dépasser ce qu'ils de repousser ce qu'ils font et leurs agissements contre les gens de la vérité qui sont les gens de la sunna, c'est qu'on doit répliquer à leurs ambiguïtés et répliquer à ce qu'ils croient, ce qu'ils prennent comme preuve pour leur faux. Pour que les musulmans, le musulman, y fasse attention. Le but c'est quoi? Pour que le musulman y soit averti et qu'il fasse attention. Hukmu kashf ash-shubuhat. C'est quoi le jugement? La loi sur le fait de d'anéantir, dévoiler les ambiguïtés. Wa izalatu ash-shubahi allati shabbaha biha a'da'u al-millati wa a'da'u ad-din fardun min furud al-kifayat fi hadhihi ash-shari'a wa wajibun min al-muwajibat la budda an yujad man yaqumu bihi wa illa atima al-jami'. Et le fait d'enlever et d'anéantir les ambiguïtés qu'on ramène les ennemis de la religion et les ennemis de la voie authentique est une des obligations parmi les obligations collectives dans cette législation. Il fait partie des obligations collectives. Il est obligatoire qu'un certain nombre l'accomplisse, sinon tout le monde tombe dans le péché. Sinon, s'il n'y a personne qui se lève et qui annonce les ambiguïtés dans la communauté est toute dans le péché. Hein? Donc, je t'ouvre une parenthèse, regarde le bienfait. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que prodigue les hommes de science qui s'occupent de la réplique et qui anéantissent le faux et qui le dévoilent, regarde le bienfait, leur bienfait sur la communauté. Ils les sortent d'où? Du péché à l'islam. Et des châtiments qui découlent du péché. Et après les insensés, mais ils ont que ça. Répliquer, répliquer. Hein? Tu vois? ومن أهم الموارد لهذا الموضوع كتب الردود ولذا نجد أنها من أوائل المصنفات بل لا يكاد يوجد كتاب حديثي مبوب إلا وتضمن في أبوابه تراجم فيها الرد على المخالفين. Et les sources de ce sujet, ce sont les livres de la réplique. C'est pour ça que tu trouves les premiers écrits, sont les livres de quoi? De la réplique, Khalisa. Les premiers livres qui ont existé dans la communauté, ce sont les livres de la réplique. Et tu ne trouveras pas un recueil de hadith, que ce soit Sahih al-Bukhari ou autre, dans lequel il ne contient pas des chapitres dans la réplique. Ou des titres qui ouvrent le chapitre et ce sont le titre est une réplique. Hein? On a le chapitre de l'Iman. Que ce soit dans Sahih al-Bukhari ou dans Adam. Il est la réplique à qui? Pourquoi ici la réplique au Murji'a à l'islam? Hein? Tu vois le titre. La foi augmente et diminue. Il augmente avec les œuvres et il diminue avec la désobéissance. Et Gwanda. Hein? Et beaucoup. Plein de passages sont des répliques al-Khawarij. Rien que dans les titres du chapitre. Rien que dans les titres du chapitre. Hein? Alors laisse le contenu. Hada, les répliques qui sont contenues dans les recueils de hadith. Comme le Muwatta, comme Sahih al-Bukhari, comme, etc. C'est pour ça que ceux qui disent d'où ça vient les répliques, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur religion. Ils ne connaissent pas les sources de leur religion. Hein? Ils n'ont pas cette clairvoyance qu'ont les hommes de science. Walaysa, yaqulu al-Sheikh, walaysa kullu man radda hadithan huwa min ashab al-aghrad al-bathila wal-ahwa al-radiya. فقد يحصل أن بعض الفضلاء بل وأهل العلم من يؤديه اجتهاده إلى إنكار بعض الأحاديث وردها وهذا ليس بمنهج له ولا سبيل له يسلكه دائما لكن قام عنده في هذا الحديث بعينه ما جعله ينتقده ويرده فخالف فيه ما عليه أهل العلم من حيث لا يشعر. Et c'est pas tout un chacun qui rejette un hadith du prophète alayhi salatu wasalam fait partie des gens du faux et des gens qui cherchent le faux. Et c'est pas tout un chacun qui rejette un hadith du prophète alayhi salatu wasalam fait partie des gens de l'innovation qui suivent leur passion. Il est des nobles hommes de science qui ont rejeté certains hadiths parce que leurs efforts d'interprétation et leurs efforts de travail sur le hadith les a amenés à ça, à mettre de côté certains hadiths, et à ne pas les prendre et à ne pas les mettre dans leur recueil. Et ça, c'est pas une voie, eux, c'est pas une voie qu'ils suivent pour rejeter le hadith, pour rejeter le hadith. Abadan. Hein? Mais c'est par son effort d'interprétation, il lui apparaît que ce hadith, il n'est pas authentique, il n'a pas le degré de Hassan, etc. Il le met de côté. Et ça, c'est pas une voie que lui suit pour rejeter le hadith. Rien que pour le simple fait de rejeter le hadith. Abadan. Mais concernant ce hadith, il y a quelque chose, concernant ce hadith, il y a quelque chose qui fait qu'il critique ce hadith. Et lui, il le critique, il tombe dans une divergence avec d'autres hommes de science, de là où il ne le sait pas ou de là où ils ne le sont pas. Mais ce n'est pas sa voie. Hein? Et donc, il ne fait pas partie des gens de l'innovation dans ces cas-là, ni des gens qui suivent leur passion. Abedan. Hein? Mais attention, il y a une phrase dedans qui est digne de l'effort d'interprétation. Donc, si moi et toi, on fait ça, on n'est pas digne de l'effort d'interprétation, on reçoit sur les doigts. Hein? Il faut savoir rester à sa place. ومن القرائن الدالة على أنه ليس من أهل الأغراض الخبيثة والأهواء الرذية أولا أن هذا ليس بمنهج الله ثانيا أن طريقته عموما تعظيم السنة واتباعها ثالثا شهادة أهل العلم له بالفضل رابعا ألا يظهر قصد له في رد السنة عموما خامسا أن ما صدر منه دافعه فيه الاجتهاد في أن لا يدخل إلى السنة ما ليس منها أو ما ظن باجتهاده أنه ليس منها. Il fait partie des signes qui prouvent que cet homme de science digne de l'effort d'interprétation ne fait pas partie, hein, de ceux dont les buts sont impurs et qu'il ne fait pas partie des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, premièrement, parce que ça, c'est rejeter le hadith, ça ne fait pas partie de sa voie. Ce n'est pas sa voie. Deuxièmement, sa voie, c'est qu'il donne l'importance à la sunna tout le temps, et qu'il met en application la sunna. Et il donne l'importance à la sunna. Troisièmement, l'attestation des hommes de science lui atteste les vertus. Regarde l'attestation qu'ont fait les hommes de science, à Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Il y a dans certains hadiths que lui il a rendu bon ou il a rendu faible. D'autres ne sont pas d'accord avec lui. L'avis de Cheikh Nasr rahimahullah, qu'il a passé à appeler à la sunna, à faire triompher la sunna, et à défendre la sunna, fait de lui qui? Quelqu'un qui suit les passions ou quelqu'un qui est un homme de la sunna? Donc c'est différent. Regarde, comme beaucoup tombent dans l'erreur utilisée de t'en parler. Mais il a rendu faible tel hadith, il a fait bon ce hadith alors qu'il est faible. A'oudou billah, tais-toi, qui tu es? Pourquoi tu parles? Les nobles hommes de science attestent comme quoi il n'y a pas, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, disait, il n'y a pas sous le ciel de la terre actuellement un nombre de hadiths tel que Cheikh Nasr, rahimahullah. Et toi, tu viens le petit ministre et tu commences à dénigrer comme ça. Hein? On ne peut pas dire, dans ces cas-là, quand on tombe dans une situation pareille, on ne peut pas dire que ce noble homme suivait les passions. Abedan, abedan, abedan. Parce que toute ta vie, c'est la défense de la sunna. Et c'est la mise en application de la sunna, il la suit. Rahimahullah ta'ala wa ghafara la. Wa askanahu fasiha jannatih. Et quatrièmement, qu'il ne montre pas que son but c'est de rejeter la sunna en général. Hein? Qu'il ne montre pas, qu'il ne soit pas sur lui comme quoi c'est quelqu'un qui rejette la sunna. Cheikh Nasr, il rejette la sunna, abadan. Cheikh Ibn Baz, il rejette la sunna, abadan. Hein? Mais quand il prend l'école de la raison, Al-Ghazali, Al-Qaradawi, et c'est toute cette école, c'est quoi les hadiths authentiques dans Sahih al-Bukhari? Allez, ça ne correspond pas à ma raison, ça ne rentre pas dans ma raison. Hein? Regarde la grande différence. Hein? Et cinquièmement, c'est que cet acte qu'il a fait, d'avoir mis un hadith de côté, qu'est-ce qui l'a poussé? C'est son effort d'interprétation pour ne pas immiscer et faire rentrer dans la sunna ce qui ne fait pas partie de la sunna. Donc c'est le sentiment qui le pousse. Et l'effort d'interprétation, c'est pour protéger la sunna. Son point de départ, c'est ça. Pour ne pas faire dire à la sunna ce qui n'est pas vrai. Parce que son effort d'interprétation l'a amené à ce point-là. Il y a une énorme différence entre lui et quelqu'un qui dit, il y a le hadith dans Sahih al-Bukhari qui dit, hein, ne réussira pas un peuple qui mettra à sa tête, c'est-à-dire à la tête de son gouverneur, une femme. Et Hada, il dit, Rahimahullah, il est mort. Hein? Il dit, ce hadith ne rentre pas dans ma tête. Ma raison l'accepte pas parce que, regardez ce qu'a fait Indira Gandhi de l'Inde. Tête de mes créances. Adoration des vaches. Regardez ce qu'a fait Golda Meir. Pour l'État hébreu, tête de la mécréance, grande ennemie de l'islam. Regardez ce qu'a fait Thatcher, la main de fer. Hein? Regarde tout ça. Hada, il met en opposition quoi? Des têtes de mécréance contemporaines. Et des grands ennemis de l'islam. Regarde la différence. Hein? يقول وبعض الأصناف قد تجتمع في فرقة واحدة. فالقرآنيون مثلا احتجوا بشبه ترجع إلى النقل وشبه ترجع إلى الثبوت والمستشرقون والعقلانيون سلكوا عامة المسالك فهم يجترون الباطل من الجميع ويلوكونه ويروحون به ويجيئون به إيه دي certaines choses peuvent se retrouver parmi les choses qu'il a citées, hein, peuvent se retrouver dans certaines personnes, ou peuvent se trouver dans un seul groupe. Il dit, comme le Coran est la secte qui veut mettre en application que le Coran, qui est né il y a plus d'un siècle maintenant en Inde, qui existe encore, hein. Leurs preuves, ce sont des ambiguïtés qui reviennent au texte. Ils ont des ambiguïtés sur certains textes. Et ils ont d'autres ambiguïtés qui reviennent à l'authenticité des textes. Et les orientalistes ainsi que ceux de l'école de la raison, ils ont pris tous les chemins. Ils tirent le faux de tous les côtés et de toutes les tendances. Et ils vont avec à droite et à gauche, etc. يقول وقد تتشابه الشبه احيانا عند عده طوائف وهم يصيغونها من الجهه التي يريدونها مؤيده لباطلهم. Mu'ayyidatan li batin. Il dit, et les ambiguïtés peuvent être similaires dans certaines sectes. Mais ils vont la drainer comment? Hein? De la façon qu'il va prouver leur faux. Ils vont l'utiliser d'une certaine façon, chacun va l'utiliser d'une certaine façon pour qu'ils répondent et pour prouver leur faux. ومن نظر في كتب الردود وجدها متشابهة في فحواها وإنما تتعدد الصياغة وأسلوب طرح الرد تبعا لأسلوب صياغة الشبهة. Il dit, celui qui jette un regard sur les livres de la réplique, il voit qu'ils sont similaires dans leur contenu. Mais la façon de la réplique change et le style change selon comment il est. L'ambiguïté a été exposée. Et comment l'ambiguïté a été dite et propagée. يقول والجهات التي تقع منها الشبهة et les côtés desquels va nous arriver la شبهة. يقول الشبهة إحداث في الشريعة والإحداث في الشريعة إنما يقع من الجهات التالية. Il dit l'ambiguïté c'est de ramener quelque chose de nouveau dans la législation. Hein? Et le fait d'innover dans la législation ne peut arriver que de certains côtés. Inna min jihatil jahl. Ou ça vient du côté de l'ignorance. Wa inna min jihati tahsin adh-dhann bil aql. Ou le fait d'avoir des bonnes suspicions sur la raison. Et de donner à la raison une place qui ne lui est pas due. Et de la laisser errer. Hein? Instaurer des choses. Ou alors, le fait de suivre les passions pour chercher la vérité. Trois côtés desquels arrive l'ambiguïté. Du côté de l'ignorance. Du côté d'avoir de bonnes suspicions sur la raison, hein, de s'appuyer sur la raison pour prouver la vérité ainsi de suite, et du côté du fait de suivre les passions pour chercher la vérité. يقول وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة. Il dit le fait d'avoir arrêté les voies d'où arrivent les ambiguïtés à ces trois points, c'est à partir de la lecture du livre et de la sunna. يقول إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع فإذا اجتمعت فطارة تجتمع منها اثنتان وطارة تجتمع الثلاث. Il dit sauf que ces trois choses, des fois ils arrivent, une seule arrive, toute seule. Et des fois ils sont réunis, des fois quand ils sont réunis, il y a deux qui vont se réunir. Ou des fois, toutes les trois vont se retrouver dans le groupe ou là dans l'individu, etc. يقول فأما من جهتي الجهلي فطارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد وطارة تتعلق بالمقاصد. En ce qui concerne du côté de l'ignorance, des fois l'ignorance va concerner les outils qui sont l'arabe, l'éloquence, le solfège, etc. Il y a de l'ignorance dedans, dans les outils. Ah, ces outils avec lesquels on comprend les buts. Et des fois, ça a rapport avec le but directement. يقول وما من جهة تحسين الظن فطارة يشرك في التشريع مع الشرع وطارة يقدم عليها وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. Il dit quant au fait d'avoir des bonnes suspicions, ben des fois cette bonne suspicion on la mélange, on l'associe à la législation pour légiférer avec, et des fois on met la bonne suspicion avant la législation, et c'est deux cas de figure revient à la même chose, à une chose unique qui est le fait d'appuyer sur ces bonnes suspicions. وَمَا مِنْ جِيَاتِ اتِّبَعِ الْهَوَى. Et le fait d'avoir des suspicions et de mettre la raison au-dessus de sa place. وأما من جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يقلب صاحبه الأدلة ويلوي أعناق النصوص أو يستند إلى غير دليل وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. Quand vous faites du côté de suivre les passions, bah il va mettre en avant et faire prévaloir la compréhension basée sur les passions. Et la personne va renverser les preuves. Il va tordre le cou des textes pour qu'ils correspondent à sa compréhension basée sur les passions. Ou alors il va partir dans cette compréhension, dans la voie qu'il a prise, il ne va pas avoir de preuve. Il ne va même pas s'appuyer sur une preuve. Et ces deux cas de figure reviennent à la même chose. يقول فالجميع أربعة أنواع هي الجهل بأدوات الفهم والجهل بالمقاصد وتحسين الظن بالعقل واتباع الهوى. Donc il dit, ils sont quatre. C'est le fait, l'ignorance totale des outils de la compréhension et l'ignorance des buts et le fait d'avoir des bonnes suspicions sur la raison. Hein? Et de mettre en avant la raison. La quatrième, c'est le fait de suivre les passions. يقول ومنه تعلم أن الشبع على نوعين. Il dit, partant de là, tu vois que les ambiguïtés sont de deux sortes. الأول ما كان منها من باب التباس الأمور بسبب الجهل وتحسين الظن بالعقل وهذا لا يسلم منه حتى بعض طلاب الحق فقد تلتبس على المسلم أمور غامضة بالنسبة إليه لا يعلمها كثير من الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فأفاد حصول أمور تلتبس على كثير من الناس وأفاد أن بعض الناس وهم العلماء يعلمونها ويميزونها فلا تشتبه عليهم وأفاد تجويز حصول ذلك من جهة مقدار علم الناس وفهمهم. Il dit, à partir de là, tu sais que les ambiguïtés sont de deux sortes. La première, ce qui va arriver, où la situation va être déguisée à cause de l'ignorance et à cause du fait de avoir des bonnes suspicions sur la raison. Il dit, cette situation-là, même les demandeurs de la vérité n'en sont pas épargnés. Des fois, pour le musulman, certaines choses vont être ambiguës. Il ne va pas y voir clair. Et parce qu'il y a des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, et entre eux, il y a des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et cher de nous dire, il nous arrive là, dans ce hadith, qu'il y a des situations qui sont ambiguës pour beaucoup de gens, et qui sont fermées pour beaucoup de gens, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais le hadith aussi nous apprend qu'il y a des gens, qu'il y a certaines personnes qui sont les hommes de science qui le comprennent et qui savent faire la part des choses dedans. Et pour eux, ils ne sont pas ambigus. Et le hadith nous annonce aussi, nous apprend qu'il est permis qu'il y arrive, que ceci arrive, c'est que la porte soit fermée de la compréhension. Hein? Et que ceci arrive par le degré de la compréhension. Hein? Le degré de la science de la personne et le degré de sa compréhension, ce que vous appelez le QI de la personne. Yak. Hein? الثاني ما كان من باب اتباع الهوى والبدعة والإمعان فيه حيث ترى بعض الناس يريد الاعتراض على ما يقرره العلماء لأنه لا يعجبه ولا يرضيه أو لا يوافق ما يعتقد أنه الحق فيشغب بالاعتراض وإلقاء الشبه إمعانا في الباطل غيا وعدوانا وهذا مسلك أهل الضلال وأهل الباطل. Et il dit le deuxième cas de figure, c'est ce qui vient du fait de suivre les passions et les innovations et de s'étaler sur les passions et les innovations. Il dit, tu vois, certaines personnes s'opposent à ce que instaurent les hommes de science parce que ça ne leur plaît pas, parce qu'ils ne l'agréent pas, parce que ça ne correspond pas à la vérité que lui, il croit. Et donc, il va perturber la situation en s'opposant à ce qu'on confirme les hommes de science et en jetant les ambiguïtés et en s'étalant dans le faux, injustement. Et ça, c'est la voie des gens de l'égarement et du faux. يقول والغرض من بيان جهات الاشتباه ألا يظن أن كل من وقع في هذه الشبهة هو من أهل الأهواء بل قد يقع المسلم الذي لا يتبع هواه فيها جهلا والواجب عليه إذا بلغه البيان أن يستفيد ويرجع عن الباطل الذي كان عليه فإن الحق هو طلبة المسلم وليس بين مسلم والحق عداء إن شاء الله تعالى دي لبوت de donner des éclaircissements sur les voies de l'ambiguïté, c'est que pour ne pas croire que tout un chacun qui est tombé dans une ambiguïté fait partie des gens des passions. Il se peut qu'un musulman qui ne suit pas ses passions, qui ne suit pas l'ignorance, il tombe dedans, il tombe dans l'ambiguïté. Mais son devoir, quand l'éclaircissement lui arrive, qu'il prenne la leçon et qu'il revienne de ce faux sur lequel il était et dans lequel il est tombé. Car la vérité, c'est le but de tout musulman. Et il n'y a aucune guerre et aucune haine entre le musulman et la vérité, Inch'Allah. Maintenant, les signes des gens d'eux qui suivent leur passion. منها ألا يدعين للحق والدليل إذا ما استبان. La première, c'est qu'il ne se soumet pas à la vérité et aux preuves quand il est clair. Et quand il lui apparaît. Et quand il lui rapporte clairement. منها أن يغالط الحق وأهله. Et fait partie de ça aussi, c'est qu'il induit en erreur, c'est de fausser la vérité et les gens de la vérité. Et de ramener des erreurs pour fausser la vérité et pour induire en erreur les gens de la vérité. Et fait partie de ça, c'est que dans le fait d'utiliser la preuve, il n'est pas sur la voie du pieux prédécesseur, ridwanallah alayhim. Il prend une autre voie dans l'utilisation des preuves. ومنها أنه لا يلتزم بأدب الحوار. Il fait partie de ça. Quand il y a un débat et qu'il débatte, il discute avec quelqu'un, il se contente pas, il n'utilise pas le comportement du débat. ومنها أن مقصوده إبطال السنن ورد كلام مخالفه لا طلب الحق وقبوله. Et fait partie de ces signes, de ces innovateurs et ceux qui suivent leur passion, c'est que leur but c'est d'anéantir et de rejeter les sunan et de rejeter la parole de celui qui est en divergence avec lui et il ne cherche pas la vérité, il n'accepte pas la vérité. ومنها الطعن في العلماء أهل الحديث والأطر وترك الرجوع إليهم. Et fait partie de ces signes aussi, c'est qu'il critique les hommes du science, les hommes du hadith et les hommes qui suivent les preuves. Il ne revient pas vers eux. ومنها أنه عرف من منهجه العداء للسنة وطلب ردها. Et fait partie de ces signes aussi, c'est qu'il est connu de lui, il est réputé par le fait. Il est connu de sa voix qu'il est l'ennemi de la sunna et du fait de rejeter la sunna. دوابط بحث هذه الموضوعات. Maintenant, comment on fait les recherches dans ces sujets? Les règles بحث هذه المسائل وعرضها له عند العلماء ضوابط لا بد من مراعاتها، وذلك أن الشبه في الدين كالأمراض والأوبئة لا يجوز نشرها بين الناس حتى لا يصبح الناس مرضى القلوب، إذ الشبه من أمراض القلوب. Et donc les recherches dans ces sujets qui concernent l'ambiguïté et le fait d'exposer les ambiguïtés, c'est les hommes de science, il a des règles qu'il faut respecter. Car les ambiguïtés dans la religion, c'est des maladies, c'est comme les maladies, comme les cancers, comme les grandes maladies. Il n'est pas permis de les propager entre les gens. Pour que les gens ne soient pas atteints dans leur cœur, que les maladies ne les atteignent pas dans leur cœur. Car les ambiguïtés, c'est les maladies du cœur. وقد جاء عن بعض السلف وصف البدعة وصاحبها كمن به جرب يخشى أن يعدي من صاحبه فهي مرض تمرض القلب ومعلوم أن الشبهة بريد البدعة والبدعة بريد الكفر. Il a été rapporté de certains de nos plus prédécesseurs, radhiyallahu anhum, mais ils ont décrit l'innovation et l'homme de l'innovation comme celui qui a la gale. Il faut s'en éloigner parce que ça contamine. Hein? Et la shubha rend le cœur malade. Et ce qui est connu, c'est que la shubha, c'est la pose de l'innovation qui t'envoie directement dans l'innovation. Et l'innovation, c'est la pose de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et fait partie des paroles des plus prédécesseurs d'Allah, ne t'assois pas avec les gens qui suivent leur passion, car ils vont rendre malade ton cœur. Hein? ومن هذه الضوابط ألا يورد من الشبه إلا ما هو بين الناس فتتكلم وتعالج الواقع وإلا كان في ذلك المزيد من إحداث البلبلة والفتن التي لا تنبغي بين المسلمين وهذا يدل عليه منهج السلف عموما فإذا كانوا يكرهون الكلام في المسائل التي لم تحدث ولم تنزل فمن باب أولى الشبه والبدع. Et parmi les règles, c'est qu'on ne ramène pas une shubha qui n'existe pas et que les gens ne connaissent pas. Si on parle à des gens avec des shubhas qu'on ne connaissent pas, tu vas l'ancrer en eux, akhal islam. Ah, c'est une règle. On ne parle que des shubhas et des shubhas qui existent. Pour remédier à ces shubhas et pour remédier à la situation de ces ambiguïtés. Parce que le fait de rajouter quelque chose par les shubhat qui n'existent pas, ça ramène d'autres perturbations. Hein? Et il n'est pas permis de ramener des perturbations au milieu des musulmans. Et ça le prouve la voix de nos pieux prédécesseurs en général. Ils détestaient de parler sur les situations qui n'existent pas. Et sur les choses qui n'ont pas eu lieu. Et en priorité, les ambiguïtés et les innovations qui n'existent pas. قال ابن رجب رحمه الله عند كلامي على حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا قال كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. ابن رجب رحمه الله تعالى كنت لا parler de ce hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Bukhari rahmatullah alayhim jami'an, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand je vous interdis quelque chose, abstenez-vous. Quand je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez de ce que je vous ai ordonné. Certes, ce qui a fait périr ceux avant vous, c'est qu'il posait beaucoup de questions à leurs prophètes. Et ils divergeaient beaucoup avec leurs prophètes. Ibn Rajab a dit, beaucoup de compagnons et de leurs successeurs détestaient de parler sur les choses qui n'existent pas. Ils ne répondaient pas à la chose qui n'existe pas. Hein? قال عمرو بن مرة خرج عمر على الناس فقال أحرج عليكم أن تسألوني عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا ها يسوسي رابورتي بار الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى اي عمرو بن مرة دي كان جو عمر بن الخطاب سورتي ها je vous interdis de nous poser des questions sur des choses qui qui ne sont pas arrivés. Car nous avons dans ce qui est arrivé déjà une préoccupation. Nous sommes préoccupés déjà et occupés par ce qui est arrivé. Alors ne cherchez pas ce qui n'est pas arrivé. Ceci est rapporté par Darimi. Wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma qal, la tas'alu amma lam yakun, fa inni sami'tu Umar radiyallahu anhu la'ana as-sa'il amma lam yakun. Akhrajahu Darimi. Et Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda'ah, dit, ne posez pas des questions sur des choses qui ne sont pas arrivées. Car j'ai entendu Omar ibn al-Khattab, ridwanullah alayh, maudire celui qui pose des questions sur des choses qui ne sont pas arrivées. Hein? Wa kana Zayd ibn Thabit, idha su'ila an shay'in yaqul, kana hadha, fa in qalu la, qala da'uhu hatta yakun, rawahu al-Darimi. Zayd ibn Thabit, quand on lui posait quelque chose sur quelque chose, il dit, c'est arrivé? S'il lui disait non, il dit, bah, laissez-le jusqu'à ce qu'il arrive. وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء فقال كان بعد فقلت لا فقال أجمنا أي أرحنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا مسروق comme il est rapporté par Ibn Sa'd في الطبقات. Il dit, j'ai posé la question au Bayou Ibn Kaab sur quelque chose. Il m'a dit, c'est arrivé? Je lui dis, non, c'est pas arrivé. Il m'a dit, alors, repose-nous de ça. Jusqu'à ce qu'on arrive. Dans ces cas-là, on fera un effort d'interprétation. Quand ça arrivera. وقال الشعبي سئل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا بعده؟ قالوا لا. قال فدعونا حتى يكون. فإذا كان تجشمناه لكم. رواه الدارمي. الشعبي de dire, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu arda, il lui a été posé une question sur quelque chose. Il dit, c'est arrivé? Ils ont dit non. Alors laissez-le. Jusqu'à ce que j'arrive, à ce moment-là, on l'interprétera pour vous. On vous trouvera la solution. Hein? Ben ça, c'est des choses sur lesquelles il est posé. Qu'est-ce qu'il en est? En priorité, les ambiguïtés. Hein? وعن السلط بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانطهرني فقال أكان هذا قلت نعم قال الله قلت الله أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهبكم ها هنا وها هنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق ها أخرجه ابن رجب في جامع العلوم صلت بن راشد de dire j'ai posé la question à Taous il m'a secoué un peu m'a dit ceci est arrivé. Il lui a fait faire le serment. Hein? Il lui a dit oui, c'est arrivé. Il lui a dit pourquoi il l'a secoué comme ça. Il lui a dit parce que nos compagnons nous ont annoncé de Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu wa arda, que Mu'ad ibn Jabal, il a dit aux gens, hein? Ne vous précipitez pas vers les épreuves avant que ça arrive. Et ainsi, si vous vous précipitez dans les épreuves avant qu'ils arrivent, vous allez partir à droite et à gauche. dans ces situations. Hein? Et si vous ne précipitez pas, avant que ça arrive, il y aura parmi les musulmans qui, si on lui pose la question sur ce qui est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accomplir, il va lui donner, il va lui faire dire la bonne réponse. Hein? هذلك الأمر الثاني أخ الإسلام ألا يتوسع في شرح الشبهة وبسطها في المجلس فقد تعلق في قلوب بعض الحاضرين ويأتي الرد ضعيفا لا يزيلها ولذلك نهوا عن مجالستهم بله مخاطبتهم والسماع لكلامهم et deuxième point deuxième règle c'est que on s'étale pas dans l'interprétation de l'explication de l'ambiguïté dans une assise. Car en s'étalant, peut-être il va s'ancrer dans le cœur de quelqu'un et dans certains cœurs. Et la réplique va être faible. C'est pour ça, et si la réplique arrive, il est faible, parce qu'il y a eu tala sur l'ambiguïté, la réplique qui suit est faible, c'est pour ça qu'ils ont interdit de s'asseoir avec les innovateurs et de leur parler, de leur adresser la parole ou d'écouter leur parole. ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم مرضة للقلوب هاكم إني غابورتي بار أجر دون الشريعة ابن عباس دي ne t'assois pas avec les gens de l'innovation et qui suivent leur passion car le fait de t'asseoir avec eux ça rend malade les cœurs. وعن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. الحسن دي رحمة الله عليه ne t'assois pas avec l'homme de l'innovation car il va rendre malade ton cœur à l'islam. وعن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث ها إما أن يكون فتنة لغيره أيوة وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله النار فيدخله الله النار وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. Écoute bien ceci, أخ الإسلام, et fais très attention à ce qui arrive maintenant à cette parole de Soufiane Thawri رحمه الله. C'est un grand digne du conseil, Akhal Islam. Je m'assois avec les gens de l'innovation, je ne vois rien. Je ne vois aucun mal dans ce qu'ils disent. Écoute, Akhal Islam. Il dit, Rahimahullah Ta'ala, ne t'assois pas avec l'homme de l'innovation, car celui qui s'assoit avec l'homme de. Tout un chacun qui s'assoit avec l'homme de l'innovation, il ne va pas être épargné de l'une des trois choses. Soit il va devenir une fitna pour autre que lui. Quand est-ce qu'il va être une fitna pour l'autre? C'est par exemple, Hada, il croit le bien en toi. Il te voit t'asseoir avec un innovateur. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va tomber dans le filet de cet innovateur. Et donc tu auras été une fitna pour lui. Hein? Il s'est assis avec lui parce qu'il est bien. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ou alors, la deuxième, c'est que quelque chose de cette innovation va tomber dans ton cœur, il va te faire dévier, et avec Allah subhanahu wa ta'ala, il te rentrera au feu de l'enfer. La troisième, la personne, il dit, par Allah, moi, je ne fais pas attention à tout ça, à ce qu'ils disent, et j'ai confiance en moi, je suis sûr de moi. Et celui qui agit ainsi, qui a la sécurité, hein, dans sa religion comme ça, bah Allah subhanahu wa ta'ala risque de lui enlever cette religion. Hein. Et ça, c'est une parole qui doit être écoutée par tout un chacun qui dit, moi j'entends ce qu'ils disent. Et je prends la vérité et je laisse le faux. Déjà, puisque tu agis comme ça, c'est que tu ne sais pas le faire le discerner le bien du mal. Parce que si tu sais discerner le bien du mal, tu ne t'assois pas avec. Et tu n'agirais pas comme ça. Mais comme tu ne le sais pas, ben c'est ton ignorance qui te fait agir ainsi. Et le fait d'avoir de bonnes suspicions sur ta personne, et d'être imbu de toi et d'avoir la sécurité. Et ça, ça va te faire tomber à l'islam. Des hommes de science sont tombés, des hommes du hadith. Certains parmi les hommes de hadith, ils ont vu que leur cousine était cousine, était tombée dans l'esprit d'Al-Khawarij. Il a dit, je me marie avec elle pour la sortir de là. Il l'a rendue l'une des plus grandes têtes des Khawarij. Alors, vas-y, toi qui es dans les fins fonds de l'Europe, où il n'y a pas d'homme de science pour nous inculquer les fondements, et à là, tu viens de nous... Alif Bata, on a des problèmes avec. Et tu me dis, je vais discerner entre le vrai et le faux. وعن أبي قلابة رحمه الله قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون الدارمي. أبي قلابة رحمه الله يجي ne t'assois pas avec les gens qui suivent leur passion. Ils ne polémiquent pas avec eux, discute pas avec eux, va pas polémiquer avec. Car, il y a il y a le fait qu'ils risquent de vous plonger dans leur égarement ou de vous déguiser, de vous donner des ambiguïtés sur les choses que vous connaissez. S'il ne te plonge pas dans son égarement, il va te donner des ambiguïtés sur la vérité que tu as. L'un des deux. وَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ إِرَادَ عِلَلِ الْحَدِيثِ وَالتَّوَسُّعْ فِيهَا أَمَامَ الْعَامَّةِ لِمَا يُخْشَى مِنْ تَأَثُّرِهِمْ بِهَا. Et les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, ils détestaient le fait de parler des défauts du hadith et de s'étaler devant le commun des musulmans sur les défauts du hadith qui font que le hadith n'est pas accepté, etc. Ça s'appelle l'ilal d'il hadith. Pour que ceci n'atteigne pas le commun. Ils commencent à dire n'importe quoi sur le hadith. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. ابن رجب ذو خبطة دير أبو داود رحمه الله dans la risala dans la lettre qu'il a écrit aux gens aux habitants de la Mecque, dit il est, c'est un grand mal pour le commun de leur dévoiler tous les défauts du hadith qui concernent ce chapitre, qui concernent les défauts du hadith. Car les awam n'ont pas cette science pour capter tout ça. وهذا كما قال أبو داود فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك. إساء comme il a dit Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, le commun du musulman ne capte pas sur leur compréhension, ne va pas jusqu'à ce point-là à comprendre les causes qui font que le hadith est rejeté et les défauts du hadith, etc. Et peut-être si quelqu'un s'étale devant eux avec ça, ils vont avoir des mauvaises suspicions sur le hadith en général. Yaqul وقد تسلط كثير من يطعن في اهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جمله والتشكيك فيه او الطعن في غير حديث اهل الحجاز. Il dit certains qui dénigrent les gens du hadith ont dominé l'awam avec les défauts du hadith et leur but c'est de dénigrer les hadiths en entier et de le rejeter en entier et de jeter le doute sur tout le hadith ou le dénigrer sauf celui du Hijaz. كما فعله حسن الكرابيسي حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا وكذلك أنكره عليه Abu Thawr, wa ghayruhu min al-ulama. Comme il a fait Hussein al-Karabisi dans son livre qu'il a appelé Kitab al-Mudallisin. Le Mudallis, c'est le fait de couvrir quelque chose. Ici, Tidlis, c'est de couvrir. Couvrir. Et ce livre, d'Al-Mudallisin, Il a été cité à l'imam Ahmed, il a blâmé ce livre d'un grand blâme. Et d'autres de science ont fait de même, comme Taur et d'autres parmi les hommes de science. قال المرودي مضيت إلى الكرابسي وهو يداك وهو يداك مستور يدب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله فقال لي إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه وقال قد سألني أبو ثور بن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليهم وقلت بل أزيد فيه ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه فجيء بالكتاب إلى أبا عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح وكان في الكتاب قلت إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج وهذه شبهة فندها ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج النبوة إيه المرودي هذه شو باسي فوار الكرابيسي. Et à cette époque, cette situation n'était pas connue, il n'était pas dévoilé encore. Et ce qui était connu de lui, c'est qu'il défend la sunna, et il fait apparaître comme quoi il fait triompher l'imam Ahmed. Je lui dis, ton livre, le livre de Moudallisin, ils veulent l'exposer à Abi Abdillah, c'est-à-dire à l'imam Ahmed. Alors fais apparaître comme quoi tu regrettes d'avoir écrit ce livre. Et je vais l'annoncer à Aba Abdillah, à l'imam Ahmed. Il lui a dit, Aba Abdillah est un homme vertueux. Et des hommes comme lui, Allah subhanahu wa ta'ala les accomplit à toucher la vérité. Il lui a dit, mais j'accepte qu'on expose mon livre à l'imam Ahmed. Et il dit, le Karabi c'est Ada qui dit, mais Abu Taur ainsi que Ibn Uqayl wa Hubaysh m'ont dit de jeter ce livre, de mettre une croix sur le livre. Et j'ai refusé. Et j'ai dit, je vais augmenter encore ce livre. Et il s'est entêté. Et il a refusé de revenir. Et le livre, on l'a rapporté à l'imam Ahmed, rahimahullah. Et l'imam Ahmed, il ne sait pas qui a écrit ce livre. Et dans le livre, il y a le fait une grande critique, un grand dénigrement de l'A'mash. Et dans le livre, il fait triompher le Hassan ibn Saleh. Et dans le livre, il dit, si je dis que le Hassan ibn Saleh avait l'opinion du Khawarij, ibn Zubayr s'est révolté aussi. Et cette Subhas, ibn Zubayr s'est révolté, s'y attache beaucoup de révoltés maintenant. Mais c'est une Shubha qu'a anéanti ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Minhaj al-Nubuwa. Par plusieurs points, il l'a anéanti. فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به حذروا من عن هذا ونهى عنه. Et quand on a lu le livre à Imam Ahmed, le livre de Karabi, c'est هذا. Il a dit هذا, il a réuni toutes les paroles des divergents. Toutes les choses dans lesquelles ils n'ont pas été bien, il les a réunies. Toutes les choses qu'ils n'ont pas pu prendre à utiliser comme preuve, il les a réunis. Avertissez contre ce livre. Avertissez contre lui. Et il a interdit ce livre. Le livre, il n'est pas bon. وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد صاحب ونحوه وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره اي certain tête parmi les sectes de l'innovation Mu'tazila et autres ont dénigré les gens du hadith. Par ce livre, à partir de ce livre, ils ont dénigré Hein? Ils ont dénigré les gens du hadith comme Ibn Abbad, Sahib et autres. Et certains nombres du hadith ont pris des choses dans ce livre. Peut-être qu'ils ne savaient pas ces choses, ou alors ils le savaient, comme des choses qui sont des critiques concernant l'A'mash et autres, comme l'a fait Yaqub al-Fasawi et d'autres. Yaqul wa amma ahlul ilmi wal ma'rifati. وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم ولا يجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعللة بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتهم من العلل وسلامتها من الآفات فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وهم النقاد الجهابدة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص وانتقاد الجوهر الحاذق للجوهر مما دلس به انتهى كلامه رحمه الله. Et quant aux hommes de science et de la connaissance parmi les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, quand ils citent les défauts du hadith, c'est par conseil pour la religion et pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour faire la part des choses et faire la différence entre eux, hein, ce qui émisse les rapporteurs du hadith et fait, hein, mettre de côté leurs illusions, hein, leurs erreurs, et cela n'implique pas qu'ils critiquent les hadiths, hein, n'implique pas, tout simplement, leur critique, il est dirigé vers les hadiths dans lesquels il y a des défauts. Et ainsi, leurs hadiths qui sont authentiques, qui sont épargnés du défaut, seront force. Hein, seront force. Et ceux-là, ce sont ceux qui connaissent la sunna du messager alayhi salam, véridiquement. Et ce sont, hein, les gens de la critique. Hein, les gens de la critique qui font la critique du hadith pour faire la part des choses entre le vrai et les faux, pour séparer le vrai du faux, comme le fait celui l'homme du change. Les hommes de change, hein, la monnaie, il connaît la monnaie rien qu'en la touchant, il sait que celle-là il est vrai ou là il est faux, il la jette. Comme aussi Ado, les vendeurs d'or et ceux qui travaillent l'or, au toucher, ils savent tout simplement que ça c'est une vraie perle ou ça, ça ne l'est pas. La même chose pour les hommes du hadith. Et ainsi, hein, pour faire, pour séparer le vrai du faux et l'authentique de ce qu'il n'est pas. وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدْ بْنُ حَنْبَلْ عَلَى الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِي رَحِمَهُمْ اللَّهِ تصنيفه في الرد على المعتزلة فقال الحارث الرد على البدعة فرض فقال أحمد نعم ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها فيما تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنهه إيه إمام أحمد أبلامي سكف الحارث المحاسبي رحمهم الله. Quand il a écrit sa réplique al-Mu'tazila, l'Harith il a dit, l'imam Ahmed, le fait de répliquer aux gens du faux, à l'innovation, c'est une obligation. Imam Ahmed lui a dit, oui, certes, mais tu as cité leurs ambiguïtés en premier. Et après tu as répondu, ah, et tu as répliqué à cette ambiguïté. Comment tu peux avoir la sécurité que certains, cette ambiguïté ne va pas s'ancrer dans leur cœur et qu'ils ne vont pas donner l'importance à ta réponse. Ils ne vont pas reconnaître ta réplique, ni la comprendre. Il a réprimandé sur quoi? Sur le fait d'avoir étalé, et d'avoir donné, parlé d'abord de l'ambiguïté, et après il a ramené les répliques à cette ambiguïté. Dans ces cas-là, l'imam Ahmad lui a dit, comment tu peux avoir l'assurance comme quoi cette ambiguïté que tu as citée au début n'est pas attachée au corps des gens, et comme quoi ils n'ont pas compris ta réponse à cette réplique et à ta réplique contre cette ambiguïté. Talitan, Allah tudkar ash-shubhat illa wa ma'aha ar-radd bila ihala. Wa qad intaqada ba'd al-ulama tafsir Razi bi'annahu ya'ti bi-shubhati naqdan wa bir-radd nasi'atan. Et troisièmement, l'ambiguïté doit être citée avec sa réplique Ils n'ont pas renvoyé la personne à sa réplique. Là, tu lui cites. Tu cites l'ambiguïté tout de suite sa réplique. Et certains hommes de science ont critiqué l'interprétation du Coran de Razi parce qu'il ramène la Shubha cache et l'anéantissement de la Shubha, il le fait plus loin et très petit. Ils l'ont critiqué pour ça. Rabi'an, min manhajihim, idha intasharat al-bid'a wa kana li ashabiha shubahun ta'allaqu fiha بآيات وحديث أن يهتموا بالرد والبيان دون الدخول في القضايا العقلية البحتة وهذا منهم لأن من وظيفة العلماء بيان القرآن والسنة وإزالة شبه الاستدلال الباطل عنهما تعظيما وتوقيرا لما أوجب الله تعظيمه وتوقيره وتزهيدا للناس عن الخوض في الدين بالطرق العقلية والمناهج الكلامية فإن احتاجوا لذلك خاضوه ولكن بقدر. Et aussi, quatrièmement, fait partie de la voie du plus prédécesseur de Allah Alim. Quand une innovation se propage et que les gens de l'innovation ont des ambiguïtés auxquelles ils se sont attachés concernant certains versets ou certains hadiths, ils s'occupent à faire la réplique et à donner les éclaircissements sans rentrer dans les choses de la raison. Hein? Dans les choses de la raison dépourvues de preuves venant du livre et de la sunna. Et ça, de leur parle, ça c'est la fonction des hommes de science. Donner des éclaircissements avec le Coran et la sunna. Et enlever, hein? Ça c'est leur fonction. Et enlever les ambiguïtés et les fausses utilisations de la preuve. Et ceci de leur part, c'est donner l'importance au Coran et à la Sunna. Parce qu'il est obligatoire de donner l'importance au Coran et à la Sunna. Et de faire éloigner les gens, hein, du fait de parler dans la religion avec les voies de la raison. Ou avec les voix de la philosophie. Et quand les hommes de science ont besoin, ils l'utilisent tout simplement à juste mesure. Ils ne dépassent pas les limites. Rahimahumullah. خامسا من منهج السلف الصالح الاهتمام بالكتب التي تبين المنهج العام من خلال بيانهم للمنهج العام يشيرون إلى رد الشبه في تراجم الأبواب كما تراه بوضوح عند البخاري في صحيحه أو بإفراغ موضوع بجمع ما فيه من الروايات والأحاديث وهذا شأن الكثير من الأجزاء المفردة لأهل الحديث فلما حدثت الشبه في القدر أفرد هذا الموضوع بالتصنيف ولما حدثت الشبه في النبيذ أفرد موضوع الأشربة بالتصنيف ولما حدثت الشبه في مسألة خلق أفعال العباد أفردت بالتصنيف وهكذا. Et fait partie de la voie du plus prédécesseur d'Allah Alim, qu'ils s'occupent dans leur livre de montrer la voie générale. Ils donnent des éclaircissements avec une voie générale. Et dans leur éclaircissement dans la voie générale, ils font allusion à la réplique des ambiguïtés. Et ceci, tu le vois clair dans les chapitres, dans les titres des chapitres, comme tu le vois clairement chez l'imam Bukhari, rahimahullah, dans son authentique. Et comme tu le vois aussi dans certains recueils, certains risalas, dans lesquels a été réuni les hadiths concernant cette ambiguïté. Et ça concerne beaucoup de Rasa et les deux livres qui ont été écrits spécialement pour un sujet précis ou pour anéantir une ambiguïté bien précise. Comme quand il est arrivé l'ambiguïté de ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas ce que font les gens avant qu'ils le fassent, la Shubha di al-Qadar, des hommes de science ont écrit spécialement sur ça. Et quand il y a eu la Shubha concernant Nabid, qui est le fait, hein, une forme de laisser le raisin dans l'eau, les dates, etc. Il y a des moments donnés, quand ça dépasse 3 jours ou un peu moins, etc., et quand c'est dans des régions chaudes, ça devient de l'alcool. Donc, quand il y a eu une ambiguïté là-dessus, il y a eu des sujets et des livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Et quand il y a eu la Shubha sur le sujet concernant les actes des serviteurs, ben, il y a eu des livres qui ont été écrits à ce niveau-là, et ainsi de suite. Et ça, ça te prouve que les hommes du silence écrivent pour le besoin des gens. Ils n'ont pas pour écrire, ni pour la réputation, mais pour le besoin et pour les choses dont les gens ont besoin. Et ça, ça te montre que la voie pour répliquer aux ambiguïtés dans les écrits de nos pieux prédécesseurs sont trois voies. Il y a trois voies dont la voie de la réplication, de la réplique. L'awwal, min khilali ifradiha bit tasnif al mubashir anha, كالرد على الجهمية والزنازقة لأحمد بن حنبل وكالرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي وكالرد على المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد للبخاري. La première voie, c'est le fait de lui réserver un livre spécialement, directement, comme la réplique au Jahmiti et Zanadika qu'a écrit l'imam Ahmed, comme la réplique à Bishr al-Mirrisi qu'a écrit Uthman ibn Sa'id Darimi, et comme la réplique à Al-Mu'tazila concernant le sujet de la création des actes des serviteurs écrit par Al-Bukhari. Al-Tani, من خلال مصنفاتهم العامة في بيان المنهج العام كالمصنفات والموطئات والجوامع والسنن فهي تشمل على تراجم وأبواب في رد الكثير من الشبه. Deuxième voie, c'est à partir de leur écrit qu'ils ont écrit général pour montrer la voie générale, comme le muwatta'at, comme les livres dans lesquels il y a le jawami ديال السنن. Dans ces livres, il y a des titres du chapitre qui sont une réplique à beaucoup d'ambiguïté. الثالث من خلال جمع المرويات في هذا الموضوع وسردها. La troisième fois, c'est de réunir tout ce qui a été transmis concernant ce sujet et de les citer. وقد يجتمع في بعض المصنفات الرد بهذه الطرق جميعها أو ببعضها كما تراه في كتاب الشريعة للأجر وكتاب اللالكائي. Et peut-être aussi, tu trouveras que ces trois voies de la réplique sont réunies dans un seul livre. Hein? Ou certaines de ces voies-là sont réunies dans un seul livre, comme le livre d'Yel Sharia, l'Ajurri, comme le livre d'Yel Lelaka'i. Sadisan, عدم الدخول مع أصحاب البدع والمخالفات في مناظرات علنية ما أمكن لأن فيها تمكينا لأصحاب الباطل من تقرير باطلهم فقد يسمعه بعض العامة فيستقر في نفسه والشبه خطافة والنفوس ضعيفة والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. Sixièmement, il ne faut pas rentrer avec les gens de l'innovation et les gens qui sont en divergence avec la voix dans des débats publics. Tant qu'on peut ne pas être en public avec un débat, on le fait. Parce que ça, il y a le fait de donner la force et de leur permettre de s'installer aux gens de faux et de leur donner la possibilité de confirmer leur faux. Parce que certains awam, ils vont comprendre, ils vont entendre ce faux, il va s'ancrer en eux. Et Shouba attire les gens, font l'effet de l'aimant et attire les faibles âmes. القاعدة, il faut pas chercher le mal, il faut pas le donner non plus. Hein? Et regarde, le commun des musulmans à travers le monde musulman maintenant commence à parler très mal sur Muawiyah et sur certains nobles compagnons. Pourquoi? Parce qu'il y a certains, soi-disant pour défendre la voix, ils font des débats en public avec Shia et avec ceci, avec cela. Et il se trouve que le commun des musulmans et les novices gobent ces ambiguïtés. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils parlent très mal maintenant sur Muawiyah radiallahu anhu arda et sur Uthman ibn Affan et sur les nobles compagnons radiallahu anhu. Pour ça, il y a pourquoi l'imam ibn Baz a rejeté la demande de ce mufti d'Al Ibadiyah pour ne pas faire débat avec lui, télévisé. Justement, pour que s'ancre pas dans l'esprit des gens, les ambiguïtés. كذلك الأمر السابع الدعوة إلى هجر أهل البدع والباطل ووجوب ذلك إذا كان يحقق مصلحة والمصلحة في ذلك إما تعود إلى المهجور في رجوعه عن بدعته وباطله وإما تعود إلى الهاجر في وقاية نفسه من التأثر بما عليه المهجور من الباطل بحيث يخشى على نفسه منه إذا ما خالط وأن يتأثر ببدعته وباطله وإما تعود إلى غيرهما بحيث لو لم يهجر ظن من لم يعرفه ببدعته أنه على حق إذا رأى أهل السنة يخالطونه ولا يجتنبونه أو يظن أن معه ما يرجى من الخير بسبب ما يرى من تكثير أهل السنة سوادا. Septièmement, l'une de leurs caractéristiques, c'est les appels, ils font la da'wa, du fait de mettre les gens de l'innovation et du faux à la quarantaine. Et il est obligatoire pour eux ceci quand il y a un intérêt qui va y arriver. Et les intérêts dans cela, c'est reviennent à celui qui est mis à la quarantaine pour qu'il revienne de son faux et qu'il se réveille et qu'il prenne conscience de son innovation qu'il la délaisse, ou ça revient tout simplement, le bienfait revient à celui qui le met à la quarantaine, comme ça il se préserve de ne pas être influencé par les innovations, par le faux de celui qu'il a mis à la quarantaine et qu'il a délaissé. Parce qu'il a peur pour lui-même. S'il se mélange avec lui, il va l'atteindre avec son faux et avec son innovation. Ou alors, le bien et l'intérêt va revenir à d'autres. Parce que si les gens de la sunna ne mettent pas celui-là à la quarantaine, d'autres qui ne connaissent pas son innovation vont croire qu'il est sur la vérité. Et si les gens de la sunna, et s'ils voient des gens de la sunna le fréquenter, ben ils ne vont pas l'éviter. Ils vont croire qu'il y a un bien en lui. Hein? Parce qu'il voit que les gens de la sunna sont autour de lui. Et si s'arrête la préface de Cheikh Mohamed, Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Mohamed Bazmoun, concernant la définition de l'ambiguïté et l'obligation de répliquer aux ambiguïtés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ce qu'il a écrit, pour ce qu'il fait, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce que nous avons entendu. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا